l'Église. Moi, j'étais rendu en Beauce. Et puis évangéliste depuis près de 50 ans maintenant, sillonné le Québec, puis l'Europe, la francophonie, puis en Afrique, en Côte d'Ivoire, faire de la formation là-bas, faire une émission de télé en Israël. Alors, vous pouvez regarder aussi à Parole Vivante. Alors oui, on voyage, puis Jean-Claude, ben, il vient nous conseiller, il vient nous aider, nous, à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, il est venu prêcher aussi, puis là, ben, on échange. Hein? C'est à mon tour de venir prêcher ici, puis je suis bien heureux, content. Merci de l'invitation. J'ai rencontré vos anciens vendredi, ça peut vous rassurer. Hein? Et puis, ben, j'étais hébergé chez Christian Pironné. Alors, merci encore de l'hébergement. Alors, un très bon temps avec les frères. On discute, on partage la parole de Dieu. Puis ce matin, ben, Dieu m'invite ici pour vous parler, il voudrait vous parler un peu de la motivation. Hein? Dieu a un sujet intéressant. Hein? Il veut qu'on puisse parler ensemble de cette motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, vous? Peut-être les aînés, là, savoir une bonne retraite. Là. On a travaillé pour, puis on aimerait en profiter pleinement, peut-être faire des voyages, puis si la santé le permet, et puis avoir des bonnes conditions de vie, hein, peut-être ce qui vous motive, vous, à avancer encore pour le peu qui nous reste, hein, les aînés. Ou peut-être ce côté ici, trouver un copain, une copine, ça vous motiverait, ça, dans la vie? Hein, projet de relation, et puis de fréquentation, et puis... parle pas de ça ici. C'est une motivation, ça, chez les... En tout cas, moi, ça m'a motivé une bonne partie de la vie, ça. C'est... Copain, copine, dans le Seigneur, hein? Voilà, et puis projet de mariage, fonder une famille, avoir des enfants. Alors, moi, j'en ai trois, mariés, qui ont produit 7 enfants. Oui, oui, non, pas chacun. À 3, ils n'ont produit 7. Hein? Et puis, on a 2 arrières. Mais le prochain, c'est le deuxième, va arriver en février. Hein? Alors, voilà. Donc, mon épouse et moi, on est très heureux. Ça occupe beaucoup, surtout nos temps de prière. Beaucoup de prières, hein? Prier pour nos enfants, leurs conjoints, petits-enfants. Alors, en plus de l'Église. Alors, on investit beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous motive, vous? Le gain? Avoir plus de matériel, je ne sais pas, un chalet, une maison, ce n'est pas encore fait. Une voiture, peut-être, une auto. Il y a tellement... Avoir une BMW, c'est déjà fait pour certains. Alors, quelle est votre motivation? Ben, le Seigneur, aujourd'hui, il veut qu'on soit motivé par une chose, un aspect dans votre vie, par l'Évangile. L'Évangile est-il votre source de motivation? Est-ce que c'est l'Évangile qui est en train de vous motiver à faire de quoi dans votre vie et dans la vie des autres? On va regarder ça ensemble, si vous voulez bien. Hein? Vous savez que la motivation, ben, ça stimule la créativité. Hein? Et en plus, bien, ça permet de cultiver nos compétences, nos dons. Alors, donc, cette motivation, elle est essentielle pour se fixer des objectifs dans la vie, gérer son comportement et surtout réussir dans sa vie, que ce soit la vie scolaire, vie familiale, vie professionnelle. Alors, un monde sans motivation et sans curiosité est un monde sans progrès, sans développement et surtout sans espoir. Le texte d'aujourd'hui, c'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Et je vous lis les versets 20 à 33. Ça va? Prenez votre Bible, vous suivez. Il n'y a rien qui sera présenté à l'écran pendant la prédication. Alors, tout sera dans votre livre, dans les Saintes Écritures. Romains, chapitre 15. À partir du verset 20. Ça fait beaucoup, une bonne lecture. Là. Alors, j'ai déjà lu tout le Nouveau Testament, donc je peux vous lire ce texte. C'était ardu, hein, de lire tout le Nouveau Testament, c'est toute une tâche. Et puis là, imaginez, il y a des frères qui m'encouragent. de lire l'Ancien Testament. Ouais. Je suis en train de... J'ai arrêté. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé la Genèse, puis quelques autres livres, puis là, voilà. Que voulez-vous? Elle est bonne, celle-là. Surtout le changement d'horaire, puis d'agenda, puis de programme, là, c'est ça. Hein? Quand j'avais un studio, ça allait bien, mais là, j'ai plus de studio. Alors, lisons le texte. Juste avant, on va s'adresser à notre Seigneur. Seigneur, on veut nous courber devant toi. On veut te révérer, on veut te louer, t'adorer. On veut te remercier qu'on puisse être ici ce matin dans cette salle pour t'entendre. Entendre ce que tu as à nous dire. Nous sommes tes disciples, nous sommes tes serviteurs. Et Seigneur, nous voulons t'obéir, nous voulons faire ce que tu nous demandes d'accomplir et nous voulons trouver la vraie source, la véritable source qui devrait motiver le chrétien, le croyant et ce qu'elle devrait réaliser dans notre vie de tous les jours. Alors, Seigneur, merci encore une fois qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'est cette motivation qui vient de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la personne de toi-même, de Jésus. Alors dirige-nous par ton Esprit Saint, parle-nous. Enseigne-nous, corrige-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être la personne que tu veux que nous soyons à tes yeux. On te le demande pour ta gloire, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Le verset 20 de Romains 15. Alors, c'est Paul qui parle ici. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant. Quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir. Alors, quelle motivation, un désir intense de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, une autre motivation, hein. Et elle leur devait, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Ce cher Paul, qu'on découvre dans les Actes des apôtres, sa vie a été bouleversée, changée, une nouvelle orientation pour cet homme-là par la révélation qui lui a été faite, savoir Christ, Christ mort, enseveli, ressuscité. Ça a bouleversé son existence. Bouleverser toute sa vie, ses valeurs et sa motivation certaine. Hein? Du plus grand persécuteur des croyants de l'Église naissante dans le livre des Actes, Paul, à partir de sa conversion, il a accepté ce que le Christ lui révélait. Hein? Il est devenu le plus grand propagateur de la foi chrétienne et particulièrement parmi les non-juifs. Un porteur. Un messager de la bonne nouvelle. Porter le Christ à ceux qui en avaient grandement besoin. C'était sa mission maintenant. la nouvelle motivation de Paul. Porter le Christ envers des pécheurs perdus. Oui, cette révélation du Christ a changé le cours de sa vie et a réorienté tous ses plans, tous ses projets. Je vous pose une question. On se parle là, ce matin, c'est ce que je vois. Est-ce que l'Évangile a changé le cours de ta vie? Est-ce que l'Évangile est devenu la source de motivation pour ta vie tous les jours? Je pose la question. Est-ce que l'Évangile est en train de réorienter tes projets, tes plans pour ta vie? Chaque chrétien, si tu es devenu chrétien, tu dois réaliser que Christ s'est donné pour toi et à ton tour, tu es appelé à te donner à lui, en retour de son amour. C'est ce que j'ai vécu en 1975 en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, ceux qui connaissent un peu ce coin. Alors que j'étais dans ma chambre seule, je relisais les évangiles, Bible qu'on m'avait donnée un an et demi auparavant. Et cette nuit-là, Christ s'est révélé à moi comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seul dans ma chambre. J'étais l'animateur de radio. Et quand je me suis levé le matin, petites heures, 4h30, 5h, j'ai gardé ces heures-là pas mal pour le restant de ma vie. Mais la motivation avait changé. Avant, j'allais à la station de radio comme Réveil Matin, Morning Man, c'était pour réveiller les gens avec de la musique, avec de l'information, la chronique de sport, divertissement, quelques blagues, quelques jokes. Et c'était ça de 6h à 9h. Et je préparais tout ça, de 5h à 6h de préparer. Mais ce matin-là, quand je suis allé à la discothèque pour aller chercher mon choix musical, je cherchais de la musique et des paroles qui parlaient de Jésus. Et j'ai trouvé un long jeu, 33. Ça ne vous dit pas grand-chose, les jeunes. Hein? Un long jeu. Hein? Pas un 45 tours, un 33 tiers. Il dit, il est perdu le monsieur matin. Voilà, c'était une platine qu'on mettait sur une table tournante. Il y avait une aiguille, puis ça jouait. Ça joue encore, hein? C'est revenu à la mode, mais oui, c'est ça moi aussi que ça revient. Alors, c'est les frères Boulian du lac Saint-Jean qui chantaient, qui avaient donné le titre à cette pochette de disque. Dans la personne de Jésus, il y a un océan d'amour. Et j'ai fait jouer ça pendant une heure, sans interruption, une heure de temps. À la fin, j'ai dit, il faut que je vous dise ce qui s'est passé la veille dans ma chambre. Et j'ai donné leur dire « J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. » Je dis que le téléphone rouge, parce qu'il y avait dans ce communiqué, il y avait... Le téléphone était relié au patron, trois hommes de la conversation, et ça sonnait. Ben, ça ne sonne pas parce que nous, on est en nombre, il y a une petite lumière rouge qui clignote. Et ça clignotait, je peux vous dire. Que passe à des publicitaires. La situation avait nouvelle motivation, nouvelle vie, nouveau projet. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Je suis toujours dans les médias. Hein? Alors, et puis, ma voix se fait entendre dans la francophonie. Et là, je produis mes émissions les plus récentes. C'est une produit. Alors, je n'ai pas d'enseignement à faire là-dedans. Je fais que interviewer les témoignages évangéliques des gens qui se sont convertis. Et maintenant, on a commencé, imaginez, en pleine COVID-19, on ne pouvait même pas sortir. Mon ancien directeur des programmes m'appelle, dit « Réjean, veux-tu revenir à l'animation? » Il dit « Mais on ne peut même pas sortir de la maison. » Justement. Je dirais « Chez toi, mais on va tourner avec l'équipement nécessaire avec l'ordinateur. » Et j'ai commencé à produire les émissions. Je vais aller chercher notre va revenir avec des questions, peut-être des commentaires, mais space. Notre ami, il vole. Il est en train d'élaborer son agenda. Comment est-ce que le Seigneur a tout modifié? Et il commence par la passion de la conquête du monde. Rien de moins. Conquérir le monde. Et c'est ce qu'il dit, hein? Avez-vous remarqué? Alors, le ministère de Paul sur les non-juifs, dès sa conversion. Alors, Paul s'est rendu à Tarse, sa ville natale, et puis il a consolidé l'église d'Antioche, d'où il a été envoyé par 3 voyages missionnaires. Il a répandu l'évangile à Chypre, en Pamphylie, Cilicie, Galatie. Il a parcouru, établi des églises locales en Asie, en Macédoine, en Grèce. Paul est demeuré principalement à Éphèse pour ensuite revisiter les églises de la Macédoine et de la Grèce pour former des disciples, encourager les croyants et partager à nouveau l'évangile. Vous avez tout noté ça, là, vous autres. Hein? C'est déjà écrit. Oui, c'est ça. Ils n'ont qu'à relire le texte. Merci, mon frère. Et là, il est en Grèce maintenant, quoi, et puis probablement à Corinthe. Alors, selon Acte 20, chapitre, Acte 20, verset 2, Romains 16, verset 23, puis il continue de regarder à l'ouest pour l'avancement du royaume. Sa motivation, c'est d'élargir le royaume de Dieu en prêchant l'Évangile. Prêchant l'Évangile. Et puis, un devoir, avez-vous remarqué? Un devoir là où le Christ n'a pas encore été nommé, n'a pas encore été reconnu comme tel, n'a pas encore été reçu comme il devrait l'être. Il prêche le Christ, la personne. C'est ça la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus. Vous présentez une personne quand vous présentez l'Évangile. Quand vous donnez votre témoignage, oui, vous parlez de votre histoire, mais en présentant celui qui est venu naturellement la changer, la transformer par des miracles, par sa puissance. Alors, Paul avait désir de ne pas bâtir sur des fondements d'autrui. Hein? Il voulait que tous entendent au moins une fois l'Évangile dans sa génération. Vous aussi, vous avez cette motivation-là? Que la plupart des gens qui vous entourent sachent qui est Jésus? C'est le moyen par lequel il se fait connaître aujourd'hui, par le témoignage, par votre témoignage, par mon témoignage. Alors, Paul veut conquérir et ouvrir de nouveaux chemins, de nouveaux champs, de nouvelles régions, former de nouveaux ouvriers, comme Timothée, Tite, de nouveaux ambassadeurs pour le Christ. Il n'y a plus rien qu'il retient qu'il dit dans ses contrées, verset 22. Les églises avaient déjà été établies, de Jérusalem jusqu'à Corinthe. Les églises locales avaient maintenant la responsabilité à leur tour de communiquer l'Évangile dans leur région. Alors, la prochaine étape, c'était Rome, mais qui avait déjà été évangélisé aussi. Alors, il met le cap sur l'Espagne, plutôt. Alors, jusqu'aux extrémités de l'Empire romain de son temps. Alors, son désir d'aller en Espagne, aux limites du monde, à l'extrémité de l'Empire romain, peut-être s'est-il rendu là après son premier emprisonnement? Il envoie sa lettre à Rome pour expliquer son message et son ministère avec l'espérance que l'Église se joigne à sa passion, à sa motivation, et le prenne à sa charge pour l'envoyer en Espagne. Et c'est comme une lettre, donc, de députation, ce qu'on m'avait remis il y a plus de 50 ans. Alors, dans le milieu où j'étais, le Seigneur m'a appelé à le servir pendant près de 20 ans. Je me promenais avec une lettre de recommandation dans les églises, dans les assemblées. J'ai fait ça pendant 20 ans au Québec, à sillonner le Québec, la Gaspésie en Abitibi. Un seul message, une seule motivation, prêcher Christ. Alors Paul, maintenant, cet homme qui est motivé par l'Évangile, avant il était avec ses émotions aux prises avec la haine, sentiment de détestation, d'hostilité, il méprisait, maudissait même ceux qui se nommaient chrétiens. Des comportements, des actes malveillants, comme on peut lire dans les actes avant sa conversion. voire même à vouloir commettre des assassinats, à souhaiter, à faire du mal à un autre, à se réjouir de tout ce qui pouvait lui arriver de fâcheux. C'est ce qui animait Paul. Paul, un guerrier, était parti en guerre contre l'Évangile. Bon. Inconsciemment, qu'il va nous dire hein, aussi Paul, à Timothée. Mais il se considère comme étant le premier des pécheurs. Et rappelez-vous ce que le Seigneur lui a dit sur le chemin de Damas lors de sa conversion. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tout un message. Quel est votre comportement vis-à-vis les Écritures, vis-à-vis la personne de Jésus-Christ? Quels sont vos sentiments? Quelles sont vos motivations à l'égard de l'Évangile? Vous savez, ce qui tue aujourd'hui, c'est l'indifférence. Quand je questionne les gens là-dessus, quand je les croise, « Oh, c'est ton affaire. Moi, j'ai la mienne. » Mais quelle indifférence au message qu'aurait pu lui apporter le pardon de ses péchés, la guérison, l'assurance d'une place pour l'éternité auprès d'un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu juste. L'indifférence. Hier, on se promenait dans un boisé, hein, avec mon frère. On se promenait, on jasait des choses de Dieu. Puis là, il y a un gars qui s'arrête devant nous, puis il dit, hey, vous êtes des frères? Et on s'en allait dire non, mais on a dit oui. On est frères dans la foi, hein? Et puis le gars, il se joint les mains comme ça. J'ai dit, moi, je me suis dit, belle ouverture pour l'Évangile, hein? Mais il avait toutes ses pensées à lui, puis je peux vous dire que l'ouverture était mince comme une feuille de papier, hein? Voilà. Mais c'est lui qui nous a abordé. Qu'a-t-il vu en nous? Saint-Esprit l'a interpellé certainement pour que. Puis on lui a présenté, on a essayé du moins de présenter les Écritures, mais peu d'ouverture. Mais on a quand même quitté sur la croix. Puis qu'est-ce que Christ a fait pour vous? Il connaissait la vérité, il est mort pour nos péchés, mais pour les siens, point d'interrogation. La passion. Un conquérant de l'Évangile, un passionné dans le service au sein de l'Église. Tes déplacements sont-ils motivés par l'Évangile? Tes rencontres, tes activités, est-ce que c'est l'Évangile qui te stimule? Rien de tel que de voir le Christ nous pousser un peu, hein? Vas-y, vas-y mon enfant, j'ai peur, mais vas-y, je suis avec toi! Je serai là. Ah, ça, c'est formidable. Moi, je suis un gars timide, ça paraît-tu? Mais pourtant, je le suis. Mais non, c'est le Seigneur qui marche devant moi, qui dit, ben, allons ensemble. Ah, il ne m'a jamais laissé. Hein. C'est ça qu'il dit, hein? Tu ne délaisseras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Ça, j'ai mis ça dans mon porte-monnaie dans le temps qu'on avait de l'argent dans nos poches. Fait qu'il avait mis un petit bout de papier. Hébreu 13, 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Et puis, j'ai mis ça dans mon porte-monnaie, je dis, Seigneur, j'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir la mission que tu m'as confiée. La présence du Christ. Et Paul, il fonctionne comme ça. Alors donc, imaginez, une église retournée sur elle-même et voit la disparition plutôt qu'à sa reproduction. Moi, j'ai connu des camps d'espoir qu'on a voyagé. On faisait des grandes campagnes d'évangélisation dans le temps de Caro, Robert Goulet, M. Perron. Et on s'est retrouvés à Gatineau avec 700, 800 personnes qui voulaient aller frapper aux portes et présenter la personne de Christ. On se réunissait dans les arénas, c'était dans tout le plus grand dans ces villes et villages. En Gaspésie, on a fait la même chose. Partout, on est allé en France, on est allé en Belgique pour aller propager l'Évangile avec des soirées gospel. Et à la fin, j'arrivais avec le message. Des centaines, des milliers de personnes. Une personne, une âme. Connaissez-vous le prix d'une âme? Quelle motivation! Le deuxième aspect que je vois là-dessus, en plus de vouloir conquérir le monde avec l'Évangile, conquérir notre monde, hein? Bien, la passion pour le soutien des saints. C'est ce qu'on voit les versets 25 à 29. Le deuxième aspect là-dedans dans ce texte, cette deuxième motivation, hein? Paul continue ses visites pastorales des églises à la providence de Dieu. Dieu va pourvoir. Alors, pas suffisant de mettre au monde des enfants spirituels, mais il faut en prendre soin et de les équiper pour qu'eux-mêmes se reproduisent dans d'autres. C'est ce qu'il va dire à Tite. Tite, chapitre 2, verset 2. « Confie-la à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Le royaume ne se limite pas à l'évangélisation, à partager l'évangile. Ensuite vient la formation chrétienne, les soins pastoraux, l'implantation de d'autres églises locales. Paul recherche l'unité du corps de Christ. Vous relirez ces versets 25 à 29. L'entraide. Ce matin, on vient d'entendre que possibilité de contribuer à quelque chose en Afrique. Alors, qu'allez-vous faire? De pouvoir voyager comme ça, par vos finances, par vos dons, et puis de pouvoir distribuer l'Évangile, contribuer à une œuvre dans un autre continent, hein, sans presque de déplacement de votre part. Nous, on le fait en Inde. Nous, on est en train de contribuer à l'œuvre de notre pasteur. Il voyage depuis quelques années en Inde. Alors, et puis, on contribue à l'œuvre là. On participe à ce que l'Évangile soit propagé. Paul recherche l'unité du corps de Christ. L'offrande volontaire, il va parler de l'offrande volontaire, très importante pour Paul parce qu'elle a pour but de consolider les bonnes relations entre les églises mères juives et les églises filles non juives. Jérusalem et toutes ces autres églises. L'Évangile est parti de Jérusalem et puis elle a été propagée jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome. Alors lui, il dit maintenant, c'est la moindre des choses de contribuer aux besoins de l'église de Jérusalem, l'église mère. Avaient besoin d'aide, de soutien. Ils étaient persécutés, ils vivaient des temps difficiles. Alors, ils vont lui dire, mais est-ce qu'on peut contribuer à leurs besoins? De renvoyer l'ascenseur, hein? L'ascenseur qui mène au ciel. Ça, c'est une autre fois, c'est un gars, il dit, je compte sur mes œuvres, puis il dit, j'espère d'aller au ciel. Il dit, fais attention à ton échafaud, puis c'est en broche de foin. Ça. Moi, je ne monterais pas là-dessus pour monter au ciel, ça. T'es mieux de prendre l'ascenseur à côté. Jésus. Hein? C'est pas toi qui fais les efforts, ça monte tout seul. Dans des échafauds, faut que tu montes ça, puis c'est de l'attacher, puis ça. Vas-y. Ça, c'est tes œuvres, ça. Hein? Bric à brac, un peu, là. Le Seigneur, il a dit, hein? Chemin, vérité, la vie, celui qui vient à moi, ben, celui qui m'a le Père. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Éternel. Prends l'ascenseur. Hein? Ça ne dépend pas de toi, c'est un autre qui a fait tous les efforts nécessaires. Alors, l'offrande, donc, de ces non-juifs, une manifestation tangible de la solidarité et de la sincérité de leur amour chrétien. Paul sait que son ministère parmi les non-juifs n'est pas très bien accepté à Jérusalem. Alors, l'offrande pour les besoins des frères sert de point d'unité entre eux. Créons des ponts. Faisons des liens. Et c'est ce que Paul était motivé de faire. Faisons des ponts. Faisons des liens. Notre culture, notre langue. Faisons des liens. L'amour est universel. Universel. L'amour de Christ atteint tous les êtres humains, tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous aimez le monde? Les personnes créées à son image, une image qui s'est perdue, puis pas à peu près. Hein. On regarde les valeurs d'aujourd'hui, puis on cherche où est l'image de Dieu, on ne la trouve plus. Mais on est recréé en Jésus-Christ pour retrouver cette image. Et cette générosité de Dieu. Dieu nous décrit, hein, son peuple devrait être généreux comme lui a donné. Il a donné son Fils unique. Fils unique. Alors donc, Paul se doit aux Grecs, comme aux étrangers, hein, il va dire aux barbares, alors les étrangers. Puis on est tous des étrangers de la grâce de Dieu. On a de la difficulté à comprendre c'est quoi la grâce, la bonté de Dieu envers le pécheur comme nous. Hein. Les gens du dehors, comme vont nous dire les Écritures, les gens du dehors. Mais entrez, l'invitation est faite, rentre. Hein. Reste pas dehors, rentre. Les gens restent dehors. Moi, j'ai été... des années itinérants, pas itinérants dans la rue, mais itinérants selon l'Évangile, c'est-à-dire me déplacer ici et là. Mais je pense, on a de plus en plus d'itinérants qui couchent dehors, puis ils se cherchent des endroits, des abris. surtout l'hiver, à moins 20, moins 30, là, cherche-toi un abri, dans la petite tente et dans la toile que tu es, là, tu risques de mourir. Le Seigneur dit, reste pas dehors, rentre chez moi, rentre, je t'invite. Tu comprendras ce qu'est ma bonté, mon amour, ma miséricorde envers le pécheur, mais rentre, bénéficie de tout ça, reste pas dehors, hein? Tes bons soins. Les croyants ici ont bien voulu et ils leur devaient vouloir et devoir, les deux sont nécessaires. Les païens ont reçu l'avantage spirituel de participer à l'Évangile, ils peuvent maintenant partager leurs biens matériels. L'offrande est à la fois volontaire et nécessaire, 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Nous avons aussi le devoir de passer le flambeau de ce que j'ai reçu. Les offrandes matérielles sont très spirituelles. Ne séparons pas les deux mondes. Dieu veut que nos biens contribuent à la vie spirituelle, au domaine spirituel, la libéralité. Et un troisième aspect qu'on voit dans tout cela, alors, c'est la passion pour la mobilisation des croyants. Alors, les versets 30 à 33. Je vous exhorte donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre pour moi. Il suscite la prière. Alors donc, premièrement, prêche l'Évangile, va présenter le Christ. N'oublie pas également ceux qui sont dans le besoin. Partage ce que tu as avec d'autres, ceux qui sont dans le besoin. C'est une manifestation de la générosité et de l'amour de Dieu. Et troisièmement, ici, ce matin, de s'unir, de se rassembler comme vous le faites et de prier les uns pour les autres. Paul suscite ce désir, cette motivation. Paul recherche le soutien. Verset 24. Mobiliser, développer les ressources humaines. Non seulement donc, oui, les ressources matérielles, mais la main-d'œuvre. La main-d'œuvre de s'impliquer à l'œuvre de Christ. Et ça, c'est comme ce matin. Ceux qui ont joué de la musique, ceux qui étaient au son, ceux qui font le ménage. On se met en œuvre. On est motivé. On veut servir ce Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, être accompagné. On n'est pas seul. L'accompagnement à l'époque comprenait l'aide dans le trajet avec provision, nourriture, argent, escorte, parce qu'il y avait des dangers en chemin. Et quand je suis allé en Afrique, j'avais une personne qui m'escortait. Il disait bien, parce qu'il y a eu une guerre là, civile, quelque chose. Alors donc, il y avait une personne qui m'accompagnait, qui gardait sur ma valise, il n'y avait pas grand-chose, il y avait une Bible. Et sur ma personne. C'est grand chose, mais est-ce qu'elle a de la valeur aux yeux de ceux qui ne comprennent pas qui est Dieu? C'est grand chose, c'est vrai, c'est grand chose. Alors, Paul veut le soutien de la prière, le rassemblement. Le soutien matériel est bien insuffisant s'il n'est pas accompagné de la prière. Il faut prier là maintenant là, pour l'Afrique, il faut prier ce besoin qu'on vient d'entendre. Comme nous, on prie et on intercède pour l'Inde. Alors, tout ne sera pas facile pour Paul. Mais la prière est exaucée, la prière qu'il demande a été exaucée. C'est ce qu'on a fait ressortir dans le conseil des anciens, vendredi. Il a été libéré des incrédules à Jérusalem et il a pu remettre le montant d'argent qui avait été recueilli à Jérusalem, donc exaucé. Rien de tel que de savoir que nos prières sont exaucées, hein, que Dieu a exaucé la prière. Paul demande deux choses, entre autres. Que je sois libéré des incrédules, il n'a pas dit de quelle façon, mais Dieu s'est sorti quand même du sang. Dieu l'a sorti de l'impasse. Dieu avait d'autres projets pour Paul. S'asseoir un peu, là, situé, là, puis il prend une plume puis il crie. Alors, on voyait qu'il en a fait du large, Paul. Et puis deuxièmement, ben, il a pu remettre le don, la générosité des non-juifs aux juifs, la contribution. Alors, Paul est allé porter le fruit ou le don des croyants, leur sacrifice de bonne odeur, tant devant Dieu que devant les autres croyants. On a tous besoin de vivre pleinement ce sentiment d'appartenance. Vous vivez ça, là, vous êtes motivés, là, vous vous appartenez les uns les autres, vous êtes un corps, le corps de Christ. On ne s'appartient plus, hein? On ne s'appartient plus. Moi, je suis content de ne plus m'appartenir, je ne savais plus quoi faire, moi. Le Seigneur a dit, « M'a occupé ton temps. Hein? » Puis il l'occupe encore. Hein? Pas de retraite. les autres pasteurs que j'accompagne à l'Église, vous faites quoi en 2025, M. Joly? Allez-vous prendre votre retraite? C'est quoi ça? Je connais pas ça, la retraite. Êtes-vous prêt à nous donner une autre année? Ben oui, une autre année! Non, j'y allais pour 5 ans, puis là, je fais 10 ans, je suis là maintenant. Enfin, on a doublé. Hein? Seigneur, comme ça. Seigneur, ses projets, ses plans. Alors, donc, un attachement, un engagement social dans la communauté, hein? Alors, dans la collectivité. C'est ma nouvelle identité, hein, maintenant. Je suis un membre du corps de Christ. Vous l'êtes, vous aussi? Ah! L'avancement du royaume. Mettre nos efforts en commun. Si je ne peux pas y aller, ben, je peux y contribuer, puis je fais partie du corps de Christ. C'est, le corps de Christ est en Inde, le corps de Christ est en Afrique, en Europe, le corps de Christ. Tous liés ensemble. Vous savez qu'un jour, on va tous monter ensemble? Hein? Attendez-vous ça? Nous autres, on a souligné les 65 ans de l'Église à Saint-Georges. Alors, le matin, c'était la grande festivité, puis grande cérémonie. Moi, je prêchais le soir, parce qu'on a des réunions le soir. Là, j'ai dit, bon, depuis 65 ans, on fait quoi? Alors, ben, on entraide, on prêche l'Évangile, et puis, il y avait tellement d'activités qui m'ont... Ils ont oublié celle avec laquelle que je pensais, moi, c'est... Mais on attend le retour du Seigneur! Ça fait 65 ans qu'on attend le retour du Seigneur, hein? Alors, oui, conclusion, chers amis, frères et sœurs, l'Évangile a réorienté la vie de Paul, stimulé la vie de Paul. L'Évangile a réorienté ma vie, stimulé encore ma vie, malgré que je vois des fois mon énergie baisser. Mais mon frère m'a lu tout un texte ce matin, il dit « Seigneur, renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Hein? » Alors, Isaïe, quoi, c'est Isaïe, quoi déjà? 40. Alors, comme quand vous prenez la route, peu importe le véhicule, bien, vous vous soumettez à un code. Alors, quand on vient à l'Évangile, notre vie se soumet aussi à un code d'éthique. Et la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est la vie de Christ maintenant. C'est celle-là, hein? Je me soumets à la vie de Christ. Alors, l'Évangile est-il ta motivation? L'Évangile est-il ta motivation? As-tu à cœur les perdus? As-tu un fardeau pour les perdus qui t'entourent? As-tu un désir de faire connaître Christ? L'as-tu reçu premièrement? As-tu reconnu ce qu'il était pour ta vie? Hein? Est-il devenu ton sauveur, ton Seigneur? Est-ce qu'il te motive maintenant? Es-tu motivé également à partager tes biens avec ceux qui sont dans le besoin, ou lorsque tu entends parler des besoins, lorsque tu vois toi-même, Dieu te dirige vers des besoins, si tu ne peux pas toi-même, mais fais appel à la communauté, hein? Si c'est bien trop gros pour moi ce besoin-là, bien viens le partager avec les frères et sœurs. Ensemble, on va faire de quoi, hein? Et puis, es-tu motivé à te rassembler, à prier, à connaître ton frère et ta sœur, et intercéder pour elle? C'est le message d'aujourd'hui. Vous savez que sans Jésus-Christ, les âmes périssent et la vie chrétienne est vide de sens. Pour l'avancement du royaume de Dieu, ta manière de servir révèle tes motivations. Ça permet de voir ton cœur, le cœur de la personne. Je t'encourage à avoir une bonne attitude. Le Seigneur nous encourage à avoir une bonne attitude, d'être fidèle dans les petites choses. Et Dieu te confiera les plus grandes. Que tu puisses avoir toujours les bonnes motivations afin que ton service soit grand aux yeux du Seigneur Jésus et même à tes yeux. Un simple verre d'eau donné au nom du Seigneur est grand. Est grand. Et avez-vous remarqué, il y a trois fois dans le texte qu'on a lu, le Dieu trinitaire est mentionné? Regardons ça ensemble. Regardez le verset 19. Vous ne rejoignez pas n'importe qui lorsque vous êtes motivé par l'Évangile. Vous rejoignez le Dieu trinitaire. Le verset 19. Ben, le verset 16, tout d'abord, allons-y avec le 16, on va le suivre. C'est ça. Je me mêle souvent dans les versets. Pour ça, je ne fais pas de présentation visuelle. Ceux qui sont installés là pendant que je prêche, j'ai dit, « Monsieur Joly, voulez-vous vous en tenir à ce que vous nous avez envoyé comme texte? » Non. Désolé, mais c'est ça. Moi, j'y vais au moment présent. C'est un élan. Alors, ça peut être modifié. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à écrire puis à dire aux gens, ben, suivons le texte. Alors, suivez-moi, puis suivons le guide. Alors, donc, cesse d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens ou les non-juifs. Hein. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu, c'est rare hein, que c'est mentionné comme ça, hein. Mais l'Évangile, c'est le don de Dieu. C'est la personne de Christ. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint, le Dieu Trinitaire. Les trois sont mentionnés. Avez-vous remarqué? Jésus, l'Évangile de Dieu, l'Esprit Saint. Verset 19. Par la puissance des miracles. Alors, ne cherchez pas la puissance en dehors de l'Esprit Saint. C'est lui qui accomplit l'œuvre de Christ dans votre vie et c'est lui qui va l'accomplir dans la vie des autres. Alors donc, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, la Trinité. Et le dernier texte, eh bien, vous l'avez au verset 30. Je vous exhorte donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Qu'est-ce qui vous permet d'aimer inconditionnellement et d'aimer comme Christ a aimé? L'Esprit de Dieu. À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alors vous rejoignez par la foi le Dieu Trinitaire. Vous n'êtes plus seul. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous accompagnent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à cette invitation? Prions. Père Céleste, on veut te remercier pour le sujet d'aujourd'hui que tu as voulu nous parler par l'entremise de ton serviteur, la motivation. L'Évangile, une source de motivation. On veut te remercier. Que nous puissions répondre à cette invitation. Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui disent, « Seigneur, je découvre que j'ai un choix, j'ai une décision à prendre concernant ton Fils. » Seigneur, j'accepte ce que tu m'offres aujourd'hui par l'entremise de ton Fils. Le pardon de mes péchés, l'assurance d'avoir une place auprès de toi et de pouvoir œuvrer et d'être motivé par toi. Quelle source de motivation! Et ceux qui te connaissent depuis un certain temps, peut-être plusieurs années, Seigneur, que l'Évangile puisse revenir comme étant une source de motivation pour notre vie. Dans tout ce que nous sommes en train d'accomplir, que ce soit en famille, en loisirs, au travail, à l'école, Seigneur, non seulement à l'église, ici avec les frères et sœurs, mais que je sois motivé par le Dieu Trinitaire, partout où je serai, à ta gloire, Seigneur Dieu, pour ta gloire, oui. Au nom de Jésus, nous disons... Amen.